Je disais donc, continua-t-il, que si j'ai été un peu toque dans ma jeunesse, je n'attendais plus risée sur les choses de la religion. Je vais à confesse régulièrement tous les ans, et ce que je vais vous raconter là se passait au jour de ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela 34 ou 35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider de grandes cruches. Et de ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Et il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasse. La Jamaïque était bonne, pas meilleure que ce soir, mais elle était bougrement bonne. Je vous le persuade. J'en avais bien lampé une douzaine de petits gobelets, pour ma part, et sur les 11 heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait et je me laissais tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un quart de l'art, de la vieille année dans l'année nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et de souhaiter bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joey, minuit vient de sonner et tu es en retard pour le saut du quart. Les camarades sont partis pour faire leur tournée et moi, je m'en vais à la Valtrie, voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi ?»« À la Valtrie ?» lui répondis-je. « Es-tu fou ? Nous en sommes à plus de 100 lieues. Et d'ailleurs, aurais-tu 2 mois pour faire le voyage ? Il n'y a pas de chemin de sortie dans la neige. Et puis ?» Le travail du lendemain du jour de l'an. Animal, répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'aviron, et demain matin à 6 heures, nous serons de retour au chantier. Je comprenais. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque. Mais risquer de vendre mon âme au diable, ça me surpassait. Crépoule mouillé, continua Baptiste. Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il suffit d'aller à la Valtrie et de revenir dans 6 heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins 50 lieues à l'heure, lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire, et pour éviter tout danger, il faut penser à ce que l'on dit. Avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage 5 fois et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Allons, mon vieux, prends ton courage à 2 mains et si le cœur t'en dit, dans 2 heures de temps, nous serons à la Valtrie. Pense à la petite Lisa Guimbette et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà 7 pour faire le voyage. Mais il faut être 2, 4, 6 ou 8 et tu seras le 8e. Oui, tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au diable. Et c'est un animal qui n'entend pas rire lorsqu'on s'engage avec lui. Une simple formalité, mon Joey. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que diable. Viens, viens. Nos camarades nous attendent dehors. Le grand canot de la Drave est tout prêt pour le voyage. Je me laissai entraîner hors de la cabane, où je vis en effet 6 de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige, dans la clairière, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat-bord, attendant le signal de départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste, qui passait dans le chantier pour ne pas être allé à confesse depuis 7 ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante nous dit « Répétez après moi !» Et nous répétâmes « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes. Si d'ici à 6 heures, nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et nous touchons une croix dans le voyage, à cette condition, tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras demain au chantier.